Adrienne le couvreur, sur son lit de mort, voulut bien se confesser et communier, mais refusa d'abjurer sa profession. Elle perdit par là le bénéfice de la confession. Qu'était-ce donc en effet sinon prendre contre Dieu le parti de sa passion profonde? Et cette femme à l'agonie, refusant dans les larmes de renier ce qu'elle appelait son art, témoignait d'une grandeur que devant la rampe elle n'atteignit jamais. Ce fut son plus beau rôle, et le plus difficile à tenir, choisir entre le ciel et une dérisoire fidélité, se préférer à l'éternité ou s'abîmer en Dieu. C'est la tragédie séculaire où il faut tenir sa place. Les comédiens de l'époque se savaient excommuniés. Entrer dans la profession, c'était choisir l'enfer. Et l'Église discernait en eux ses pires ennemis. Quelques littérateurs s'indignent. Et quoi ? Refuser à Molière les derniers secours ? Mais cela était juste ? Et surtout pour celui-là qui mourut en scène et acheva sous le phare une vie tout entière vouée à la dispersion ? On invoque à son propos le génie qui excuse tout, mais le génie n'excuse rien, justement parce qu'il s'y refuse. L'acteur savait alors quelle punition lui était promise. Mais quel sens pouvait avoir de si vagues menaces au prix du châtiment dernier que lui réservait la vie même? C'était celui-là qu'il éprouvait par avance et acceptait dans son entier. Pour l'acteur, comme pour l'homme absurde, une mort prématurée est irréparable. Rien ne peut compenser la somme des visages et des siècles qu'il eut sans cela parcouru. Mais de toute façon, il s'agit de mourir. Car l'acteur est sans doute partout, mais le temps l'entraîne aussi et fait avec lui son effet. Il suffit d'un peu d'imagination pour sentir alors ce que signifie un destin d'acteur. C'est dans le temps qu'il compose et énumère ses personnages. C'est dans le temps aussi qu'il apprend à les dominer. Plus il a vécu de vies différentes, et mieux il se sépare d'elles. Le temps vient où il faut mourir à la scène et au monde. Ce qu'il a vécu est en face de lui. Il voit clair. Il sent ce que cette aventure a de déchirant et d'irremplaçable. Il sait. Et peut maintenant mourir. Il y a des maisons de retraite pour les vieux comédiens.